Haute fréquence. Les petites histoires des religions. Et on va maintenant parler de femmes musulmanes dans cette deuxième partie d'Haute fréquence. Des femmes musulmanes qui proposent une lecture égalitaire et ouverte du Coran. Et on va le faire en votre compagnie, Gabrielle de Sarzan. Bonsoir. Bonsoir. Alors Gabrielle, ces femmes étaient réunies récemment en colloque à Lyon. Oui, un colloque qui s'est intitulé « Femmes, liberté et droit en islam ». Colloque organisé conjointement par le laboratoire Triangle ENS à Lyon et la fondation Orient Mont-Pèlerin de Genève. Colloque qui a réuni des femmes musulmanes qui ont travaillé leurs textes sacrés et l'histoire de leur tradition, des femmes de différents horizons qui ont partagé sur deux jours leurs travaux et réflexions sur femmes et islam. Tout un programme. Alors, quel était le but précis de ce colloque? Alors, de faire changer les normes où on justifie un statut mineur de la femme dans la théologie islamique. C'est notamment ce que m'a confié Reda Benkiran, qui a été l'une des chevilles ouvrières de cet événement. Reda Benkiran, qui défend donc un islam libéral. Reda Benkiran, qu'on a eu plusieurs fois dans nos émissions. Gabrielle, donc c'est un colloque ouvert auquel ont participé également des hommes. Oui, plusieurs étudiants dans le public, mais aussi des personnes lambda, je dirais, en quête de réponse, comme cette femme d'origine algérienne, Yamina, 57 ans, qui était assise au fond de l'auditoire. Je lui ai demandé pourquoi elle était là, qu'est-ce qu'elle venait chercher. Yamina. Je suis musulmane pratiquante. Mes parents m'ont transmis l'islam, sans malheureusement trop de connaissances. Hein. Au fur et à mesure que j'avançais dans l'âge, parce qu'aujourd'hui j'ai 57 ans, hein, donc je suis née en France, j'ai grandi en France. Au fur et à mesure que j'avançais dans mon parcours, à un moment donné, j'avais besoin justement de connaître un peu plus l'islam, puisque mes parents m'avaient vraiment transmis un strict minimum avec des obligations, hein, puisque des droits, il y en avait vraiment très peu. Donc je me suis un petit peu comme ça cherché en même temps. Donc il a fallu quelque part que je fasse un peu une rupture, on va dire, hein, prendre certaines distances par rapport à toute cette communauté, tout ce qu'elle proposait. Moi, l'islam, aujourd'hui, je le revendique plutôt comme un islam avec des valeurs. Voilà, des valeurs qui sont le non-jugement, la bienveillance, la liberté, enfin, toutes ces valeurs qui sont primordiales pour chaque être humain et pour pouvoir essayer de vivre avec les autres. Mais de quoi la femme musulmane, peut-être, a besoin aujourd'hui? Je pense qu'elle a besoin, effectivement, de droits et puis surtout d'écoute, qu'on lui laisse surtout cette place, tout simplement, qui est la sienne. Malheureusement, on se rend compte que dans les espaces souvent religieux, où il y a des rencontres, malheureusement, même si on essaye de nous faire croire qu'il y a des droits au niveau de la femme, on le voit qu'au quotidien, malheureusement, c'est pas toujours le cas, en fait. Il y a quand même beaucoup de souffrance. Autre personne assise au fond de l'auditoire, Fatia, sur laquelle je suis tombée tout à fait par hasard, et qui s'est avérée être une représentante politique de la ville de Lyon. Je m'appelle Fatia Benhamed, je suis élue à Lyon, dans le 9e arrondissement de Lyon. Je suis par ailleurs étudiante en Master 2 Sciences des Religions. Ces dernières années, je me suis rendu compte qu'il y avait une mutation dans différents quartiers et j'ai pas vu venir cela. Et je recherche des réponses à ce qui aurait pu se passer. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, une mutation visible de la communauté musulmane en rapport avec l'islam. Que se passe-t-il chez nos femmes? Que se passe-t-il dans notre société masculine issue de l'immigration et musulmane? Que s'est-il passé pour que des mutations reviennent en arrière? Je suis allée la semaine passée à la région Rhône-Alpes, Auvergne, à une conférence sur la laïcité. J'ai rencontré une dame qui était attachée d'un des députés, qui m'a dit que sa belle-sœur, qui avait fait les 400 coups, alors je ne sais pas ce que ça veut dire les 400 coups, mais qui, comme moi, a dû profiter durant sa jeunesse d'aller dans les restaurants, avoir des copains, sortir sans avoir donné de compte à qui que ce soit, était menacée par son fils et par sa tenue. Donc elle est obligée de porter le voile et par le fait qu'elle soit obligée de faire la prière. Et j'ai dit à cette personne que je connais bien et en qui j'ai complètement confiance, je lui dis, mais c'est elle qui l'a mis au monde ou c'est lui qui l'a mis au monde ? Je dis, quel âge il a ? 30 ans. Eh ben, je dis, moi, il faut qu'elle le foute dehors et qu'elle vive sa vie, sa fin de vie, tranquillement, puisque c'est une femme qui a mon âge. Parce que c'est pas admissible qu'aujourd'hui, des enfants soumettent leur mère. Et ça, c'est nouveau ? C'est un mouvement qui s'affirme, selon vous ? Oui. Et je crois qu'il y a un vrai problème d'éducation. C'est les femmes qui éduquent, et leurs filles, et leurs garçons. Donc, quand on éduque son enfant, on veille à cela. Pour sauvegarder ses droits et sa liberté, on éduque pour garder sa liberté. Suite aux réactions de Yamina et Fatia Benhamed, conseillères d'arrondissement à la ville de Lyon, j'ai pu m'entretenir à la pause de midi avec deux intervenantes à ce colloque, Mouna Hachim, marocaine, écrivaine, qui a écrit notamment sur les femmes savantes en terre d'islam, et puis Shala Shafik, écrivaine franco-iranienne. Je leur ai demandé de réagir aux propos de l'élue Fatia Benhamed qui parlait de ce durcissement qu'elle observait en France chez une partie des musulmans. Alors, est-ce qu'elles peuvent le confirmer, elles qui ont travaillé leurs textes sacrés comme aussi leurs traditions ? Mouna Hachim. C'est un fait que nous assistons à une sorte de repli identitaire qui fait que effectivement il y a une sorte de retour vers soi, un retour sur soi en imposant un peu l'islam politique comme seule alternative et seul modèle. Et les manifestations en sont nombreuses dans la vie quotidienne, que je peux constater par exemple dans le cadre de l'évolution de ma propre société, où on est passé d'une sorte d'islam apaisé dans le cadre des familles où tout le monde pouvait cohabiter en bonne intelligence, à une sorte de super manifestation, disons, de ces signes de religiosité qui nous interpellent de toute manière. Dans le cadre d'une société véritablement démocratique, toutes les tendances devraient pouvoir coexister en bonne intelligence tant que chacun n'empiète pas sur le territoire de l'autre. Ce que je peux ajouter, c'est que des fois, nous nous sentons un petit peu pris en tenaille entre d'un côté des visions, disons, archaïques, infériorisant la femme, de facture un peu intégriste et fondamentaliste, et puis de l'autre côté aussi, d'autres doctrines qui, sous couvert d'émancipation, sont et reste imprégné de stéréotypes à la fois sur l'islam et sur ces femmes dites musulmanes. Je disais hier que ces femmes, on les présente comme étant orientales. Moi, en arrivant de Casablanca, je me sens plus occidentale. Et en tout cas, j'habite plus à l'Occident que beaucoup de capitales occidentales. Donc, il faut arrêter aussi avec cette essentialisation et ces généralisations qu'on porte sur ces sociétés. Et peut-être aussi donner plus la voix et la parole à ces tendances un peu médianes qui sont nées dans la foi musulmane et qui ont aussi leur mot à dire par rapport à ces thématiques. Shala Shafik, vous êtes franco-iranienne, vous êtes aussi l'une des intervenantes à ce colloque, vous êtes écrivaine, sociologue aussi. Est-ce que vous assistez aussi ou est-ce que vous percevez une récupération politique en fait du facteur religieux ? Mais absolument, je dirais que cette récupération, cet islamisme qui n'est pas l'islam, mais qui est l'instrumentalisation idéologique de l'islam, qui m'a amenée sur le chemin de l'exil et fait qu'aujourd'hui, je suis franco-iranienne, ça veut dire après des années d'exil. Donc, ça a croisé mon histoire personnelle. Mais après, vous savez, j'avais aussi été très choquée quand j'ai rencontré l'islamisme également en France. Voilà, dans beaucoup de milieux, y compris dans certains milieux, par exemple des quartiers qu'on dit quartiers difficiles, on le voit, mais par ailleurs aussi ça existe. Il s'agit d'une idéologie qui instrumentalise la religion et forme aussi les gens. Donc, si vous voulez, quand l'élu parle de ce durcissement, c'est une réalité qu'on pourrait observer partout, c'est qu'au nom de l'islam, c'est-à-dire il y a tout d'abord aussi beaucoup d'argent qui vient pour former les gens. Et ça passe toujours par le contrôle des autres. Par exemple, on essaye de codifier l'attitude selon les codes religieux et en faire quelque chose de très rigide. Et les gens qui sortent de ces codes seront considérés comme les mauvais musulmans. C'est ça la démarche des islamistes. Et quand vous vous codifiez comme ça, après la personne qui devient leader, cette personne a un pouvoir sur les autres. ce qui lui offre une sorte de reconnaissance aussi. C'est par ce procédé que les gens adoptent cette idéologie et ça passe toujours aussi par le contrôle des femmes, par le contrôle de leur corps, pourquoi tu te voiles pas. Et moi, en fait, à l'occasion de mes livres, je suis allée quand même aussi et de mon travail dans beaucoup de lieux, ici en France, en Belgique et ailleurs. Et donc chaque fois, c'est, en dehors du contexte local, c'est le même, la même thématique. Les mères d'origine marocaine ou algérienne qui viennent dire, écoutez, nos enfants vont nous dire, vous n'êtes pas des bons musulmans, on va vous apprendre qu'est-ce que le vrai islam. Ça, c'est une démarche islamiste. Les islamistes essayent de codifier l'islam pour dire qu'il y a un vrai islam et donc toutes les variétés sont exclues et c'est pas du tout une pratique parmi les autres, c'est une idéologie. Et donc après, il y a un durcissement. Et les femmes sont les premières victimes de ce durcissement, puisque tout se passe par le contrôle de leur corps au nom de Dieu. Alors justement, le but de ce colloque, c'est quoi? C'est de permettre malgré tout une émancipation des femmes, c'est ça? Ici, le mot liberté, les femmes, liberté, droit et l'islam, ça permet quand même de, quelque part, réfléchir sur ce phénomène idéologique de l'islamisme qui est une, pour moi, qui est quand même un fléau de notre temps, qui, de manière internationale, interroge partout au-delà. Et on l'a vu dans ce colloque. Le Mouna est venu de Maroc, il y avait des personnes qui sont venues de la Tunisie, il y a eu aussi des autres aires géopolitiques et culturelles. Et on a vu qu'on vit au-delà de ce contexte local. Nos expériences peuvent se croiser, on peut réfléchir pour voir quelles sont quand même, quelles sont les portes de sortie. Puisque si vous voulez, on récupère la religion pour en faire un programme politique, et c'est tout le monde qui est concerné, c'est tout le monde. Mais les femmes en payent le prix lourd. Voilà. Et ce sont les femmes qui sont au premier rang des victimes, comme on le voit par exemple en Iran. Je suis d'origine iranienne, bien sûr. Le premier acte de Khomeini en 1979 a été l'imposition de port de voile. Donc, en fait, ils n'étaient même pas instaurés. Et la première idée qu'elle a eue pour dire « nous, il y aura un changement politique », alors qu'ils avaient beaucoup de promesses pour le peuple iranien, la première est tombée sur les femmes. Ça veut dire « il faut que vous voiliez pour aller travailler ». Vous voyez, tout ça, c'est le symbole, ça devient un drapeau d'une idéologie politique. Et en même temps, je vous dis que c'est ce que j'explique dans mon dernier livre d'ailleurs, « Le rendez-vous iranien » de Simone de Beauvoir, c'est que les jeunes actuels, malgré tout ce qu'on entend, ça veut dire, en fait, le régime iranien veut dire nous sommes ennemis de l'Occident, etc., etc. Le féminisme est allié de diable. Ça veut dire qu'ils traitent les féministes comme alliés de diable. Mais en Iran actuel, parmi les jeunes générations, il y a beaucoup de demandes pour les femmes. Ça veut dire que même les jeunes hommes s'y mettent, puisque tout le monde a compris que c'est le socle, le problème. C'est qu'on essaye de contrôler les femmes et par cela, on prive les hommes aussi de leur citoyenneté. C'est qu'en haut, c'est au nom de Dieu, il y a un groupe d'êtres humains qui prend le pouvoir. Mouna Hachim. Voilà, alors moi j'ai choisi une thématique qui est très proche de mon domaine d'investigation, c'est les femmes savantes en terre d'islam, parce que je trouve que la perspective historique a cela d'avantageux, qu'elle permet de dépassionner un peu le débat de toute manière, et puis de relativiser beaucoup les choses. Parce que j'ai appris au cours de mes recherches que depuis les premiers siècles de l'Hégire, il y a eu un nombre incroyable, phénoménal, qui me surprend chaque jour, de femmes qui ont été mouftis, qui ont été enseignantes expertes, qui ont enseigné à des sommités religieuses de la stature de grands juristes comme Ibn Taymiyyah, dont le nom est associé maintenant au rigorisme, ou comme l'imam Shafi'i, qui est fondateur de l'école Shafi'ite et qui a été formé auprès d'une dame qui s'appelle Sayyida Nafisa en Égypte. Un tas d'exemples comme ça, pour revenir au fait, à la conclusion, que les femmes doivent investir ce domaine du savoir et de la connaissance. Et de toute manière, c'est pas valable uniquement pour les femmes, mais aussi pour les hommes, parce que certains veulent faire de l'explication, de l'interprétation de leur religion leur exclusivité propre pour mieux quadriller la société, pour mieux la gouverner. Et je pense que c'est uniquement justement par cette connaissance et par l'accès au savoir qu'on peut lutter contre toutes les formes d'aliénation, de quelque bord qu'elles se situent de toute manière. Vous écoutez Haute Fréquence et nous parlons ce soir de femmes, de liberté et de droit en islam, selon le titre d'un colloque qui s'est tenu récemment à Lyon et auquel vous avez participé, Gabrielle de Sarzan. Alors on entendait tout à l'heure des femmes musulmanes qui sont intervenues comme oratrices durant ce colloque, mais Gabrielle, est-ce qu'il y avait dans la salle comme participants également des étudiants en sciences des religions ? Oui, et plusieurs étudiantes. Il y avait bien sûr aussi des hommes, hein, mais j'ai choisi de privilégier les voix des femmes puisque ce colloque finalement leur était dédié. Même si, on l'entendra, l'avancée des femmes profite bien sûr à la société dans son entier. Parmi donc les femmes présentes, je vous propose d'entendre Maïmouna, une doctorante sénégalaise de 27 ans. Je lui ai demandé si elle était là avec des questions particulières ou alors des attentes. Maïmouna. Je viens du Sénégal, je suis originaire du Sénégal et ça m'intéresse de savoir la position des femmes subsahariennes musulmanes parce que l'islam ou le féminisme musulman est connoté ou en tout cas est affecté aux femmes arabes. Alors qu'en tant que Sénégalaise, en tant que femme subsaharienne, bah, je me demande quelle est la place des femmes noires dans cet islam, dans ce féminisme. Quelles sont les difficultés peut-être de cette femme subsaharienne musulmane aujourd'hui ? Alors, c'est très compliqué la question de la couleur en France. Qu'on le veuille ou non, il y a une hiérarchisation des races et l'islam est connoté arabe. Les femmes noires ont du mal à se représenter dans l'espace public en France de façon générale, mais aussi dans les mosquées, dans les instances religieuses. Et voilà, on est sous-représenté, peut-être qu'il y a la barrière de la langue. Les Arabes ont plus accès au Coran, au texte pour faire une relecture, pour rejeter des choses, pour faire plein de trucs, alors que nous, soit c'est des langues nationales ou c'est le français à cause de la colonisation. Donc voilà. Et la relecture, elle n'est pas encore à l'ordre du jour en Afrique subsaharienne. Comme je disais tout à l'heure, il y a la barrière de la langue, il y a aussi le poids de la culture, il y a vraiment le poids de la culture qui est différent de la religion, qui pèse autant que la religion. Donc c'est un peu compliqué, parce qu'à côté de la religion, il y a aussi d'autres brimades que causent les cultures, les différentes cultures. Donc en plus de la religion, ça devient super lourd. Vous êtes en robe longue, et puis vous avez aussi un turban qui cache vos cheveux. Oui. Ça fait partie de vos revendications de femme musulmane? Oui, justement, oui. C'est un accoutrement religieux que j'assume. Le turban, peut-être qu'il n'est pas très, très arabe, qu'il n'est pas très... Mais voilà, des fois on me dit que c'est un peu ethnique. Oui, c'est juste africaine. Donc oui, voilà. Ouais. Samia, vous avez 23 ans, vous êtes ici sur les bancs à assister aussi à ce colloque. Qu'est-ce qui vous intéresse ou qu'est-ce qui vous interpelle ici ? Dans le cadre de recherche, je travaille sur la question des femmes savantes en Indonésie qui construisent un nouveau type de féminisme. Pour moi, c'est là-dedans que je puise ma force, c'est là-dedans que je puise ma force, ma paix intérieure. Donc ma religion, ma foi, en fait, elle s'est construite, elle s'est déconstruite, elle s'est enrichie aussi de sagesse religieuse diverse, pas que de l'islam. Est-ce que vous cherchez une autre lecture des textes sacrés, plus féminine justement ? Je dirais pas que je la cherche, en fait, je la lis différemment, je la produis aussi. Je pense que voilà, la religion, c'est également tout un tas de négociations, tout un tas de lectures différentes et une lecture qui est contextualisée. Pour moi, j'accorde énormément d'importance à l'histoire, au fait d'historiciser les textes. J'ai séjourné un an en Indonésie et j'étais extrêmement proche de femmes ulema, donc de femmes savantes musulmanes qui s'attachent justement à relire les textes sacrés avec une perspective de genre. En prenant en compte en fait cette justice sociale qui pour moi est le cœur même de la religion, la prendre en compte et de regarder la finalité de la religion et de cette sagesse religieuse qu'on retrouve dans plein d'autres philosophies religieuses d'ailleurs. Donc oui, tout à fait, j'accorde énormément d'importance à la lecture des textes, à l'interprétation des textes et également aux normes que l'on tire de ces textes-là, qui sont parfois pour moi complètement décontextualisés et qui manquent en fait d'un esprit réfléchi. Et à votre sens, le patriarcat est à mettre au placard? Tout à fait. Pour moi, il est plus qu'à mettre au placard, il est à détruire. C'est difficile de grandir dans une société qui est patriarcale et surtout quand on a des identités qui sont plurielles. Donc au final, le patriarcat nous écrase des quatre côtés, j'aime à dire, à la fois donc du côté religieux, à la fois du côté sociétal, du côté politique, du côté social. Donc on s'en prend un peu plein la gueule, mais je pense que voilà, c'est très important de résister, de réfléchir, de critiquer et de remettre en question pas simplement soi-même, mais aussi le monde qui nous entoure. Et de voilà, par exemple, moi je soutiens complètement également l'égalité de genre et le combat des LGBT. Chose parfois qu'on me reproche en raison de ma foi islamique, alors que pour moi justement ma foi me permet en fait d'avoir cette lecture-là qui est très émancipatrice et pour soutenir et contribuer en fait au combat de d'autres personnes discriminées par ce patriarcat-là et par ces normes sociétales, que ce soit ces normes sexuelles, que ce soit ces normes religieuses, sociales, politiques, etc. Samia, 23 ans, à votre micro, Gabriel de Sarzan, qui parle de ce féminisme indonésien. On se rappelle bien sûr que l'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman du monde. Alors avant elle, il y avait Maïmouna, qui nous parlait de l'islam africain, subsaharien. Gabriel, ça montre, ça exemplifie que, eh bien, le féminisme islamique, il est multiple. Oui, c'est ce que m'a partagé Asma Lamrabet, médecin, écrivaine marocaine, qui était aussi présente à ce colloque et que j'ai pu rencontrer en marge des différentes conférences. Asma Lamrabet, à qui j'ai demandé en premier de réagir à l'intitulé de ce colloque. Femmes, liberté, droit en islam. Franchement, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de parler de liberté, de droit des femmes en islam? Asma Lamrabet. Mais bien sûr que c'est nécessaire et je crois que c'est nécessaire à l'échelle mondiale quand on voit que l'égalité aujourd'hui homme-femme, c'est un idéal qui est encore inachevé partout. L'inégalité transcende toutes les religions, toutes les cultures, toutes les sociétés, mais à des degrés variables. Sauf que dans le monde arabo-musulman, et sans être essentialiste, il y a un vrai problème par rapport à ces questions-là. Parce qu'il y a un socle identitaire qui est la religion et qui est très prégnant, c'est-à-dire qu'on retrouve dans les lois. Et c'est ça la problématique qui se pose aujourd'hui avec l'islam en tant que religion institutionnalisée. Donc nous avons des lois qui sont dans le monde arabo-musulman discriminatoires par rapport aux femmes. Je parle du monde arabo-musulman et pas du monde musulman en général avec l'Asie, etc. Donc dans le monde arabo-musulman, à part la Tunisie et à moindre degré le Maroc, tout le reste est régi par un statut juridique qui est assez défavorable par rapport aux femmes et qui reste une interprétation donc des textes religieux qui est assez patriarcale et misogyne. Vous parlez par exemple du droit des familles. Oui, le droit de la famille, droit dans le mariage, toutes les questions de répudiation, d'autorité de l'époux, des questions d'héritage, toutes ces questions-là qui gèrent donc la sphère familiale, la sphère donc de l'égalité homme-femme, ce sont des statuts juridiques donc à travers tous les pays arabo-musulmans qui posent une vraie problématique de fond, qui est celle donc de l'inégalité juridique des femmes musulmanes. Vous avez parlé, sauf erreur, tout à l'heure de l'ADN de la misogynie de l'islam. Oui, alors je propose une relecture des textes, je ne suis pas la seule à le faire, mais aujourd'hui il y a une dynamique donc de femmes musulmanes, de culture ou musulmanes de foi, qui depuis une vingtaine d'années ont repris un petit peu cette question de la relecture parce qu'elle était sous l'hégémonie des hommes, et on le sait toujours, le religieux est sous l'hégémonie patriarcale. Donc comme ces femmes-là, j'ai décidé il y a une vingtaine d'années de faire une relecture donc des textes qu'on dit sacrés, pour voir est-ce que vraiment c'est les textes qui posent problème ou leur interprétation ou notre réalité sociale aujourd'hui. Et donc justement en relisant tous ces textes-là et en faisant des comparaisons avec ce que j'appelle l'interprétation juridique qui est aujourd'hui majoritaire malheureusement en terre d'islam, on remarque qu'il y a un verset, plutôt un concept qui s'appelle Al-Qiwama et qui veut dire en fait, qui a été traduit par autorité. Et en fait ce verset-là, il faut historiciser justement, et ce verset-là parle de prise en charge, de la prise en charge matériel des femmes. Dans le contexte de la révélation au 7e siècle, c'était banal, vraiment banal, où les femmes étaient prises en charge dans une famille donc traditionnelle, élargie, etc. Mais ce concept-là est devenu, je le dis souvent, l'ADN de la misogynie en islam, parce que c'est à partir de ce concept-là qu'on a cautionné, légitimé toutes les inégalités, en héritage, dans le témoignage, l'interdiction pour les postes politiques pour les femmes musulmanes. Tout ça a été cautionné par ce fameux concept où on parle d'autorité, de supériorité des hommes par rapport aux femmes. Et quand on déconstruit ce verset, on remarque que franchement, il n'y a pas du tout d'expression d'une autorité quelconque ou d'une obligation de l'obéissance des femmes à leurs époux, etc. Tout ça, ça a été le produit d'une jurisprudence islamique qui s'est faite séculaire, qui s'est faite pendant des siècles, et où ces juristes ou ces oulémas, qu'on appelle oulémas, ces traditionalistes ou savants musulmans, eh ben, ils ont interprété le corpus coranique selon leur contexte, leur mentalité patriarcale et leur société de l'époque. Comment est-ce que vous expliquez peut-être cette résurgence de ce patriarcat actuellement chez de plus en plus de musulmans ? Écoutez, il n'est jamais parti, il n'a jamais disparu, sauf que il est revenu avec l'islam politique, avec l'islamisme et avec l'islam politique, avec tous les échecs qu'ont connu les pays arabo-musulmans, décadence de cette civilisation, les traumatismes coloniaux, et puis après, tout le retard technologique, le retard en démocratie. Tout ceci a fait que la seule identité sur laquelle se sont repliées donc les populations musulmanes, c'était l'islam. Et donc, l'islam n'était plus cette spiritualité qui pouvait être vécue selon une éthique libératrice. Non, elle est devenue une identité fermée, forgée. Et bien sûr, comme dans toutes les identités fermées et dans toutes les idéologies religieuses, vous savez, les premières victimes sont les femmes. Et donc aujourd'hui, il y a un retour de ce conservatisme, un retour donc d'un patriarcat très... parce que le patriarcat, il peut s'exprimer sur... c'est-à-dire, il peut être économique, politique, etc., intellectuel. Il est religieux, il est principalement religieux dans les pays arabo-musulmans. Et donc, il est utilisé, pour discriminer les femmes. Est-ce que vous essayez alors, vous, de porter une parole féminine ou féministe ? Enfin, quel est le mot que vous choisiriez ? Alors, tout d'abord, il est rare qu'on utilise le concept féministe, parce que la connotation est extrêmement négative dans la population. Et même chez les jeunes, aujourd'hui, les jeunes marocaines, tout à fait modernes, émancipées, ont un certain rejet par rapport au féminisme qui, pour elles, c'est ringard, c'est un petit peu arriéré, etc. Et donc, elles utilisent plutôt la lutte des femmes, une lecture féminine, l'association féminine, au lieu de parler d'association féministe. Mais en fait, la lutte qu'elles font, c'est une lutte complètement féministe. C'est sauf que la dénomination n'est pas là. En tout cas, moi, je vois dans le travail que je fais, qui est celui de proposer une troisième voie, celui d'allier entre justement cette vision traditionnaliste assez sclérosée, de dire que oui, non, on ne veut pas rejeter la tradition, parce que c'est un peu, ça fait partie de notre mémoire, notre histoire. Donc, j'estime qu'on peut allier tout ça avec les droits universels et les droits des femmes. Donc, je propose cette troisième voie, c'est-à-dire être musulmane, mais être aussi moderne. Être musulmane et se dire dans cette posture de croyante ou pas, mais avoir le droit de critiquer cette tradition-là, avec ses contradictions, mais avec ses richesses et ses côtés positifs, parce qu'il y en a, et de pouvoir aussi critiquer un petit peu un certain hégémonisme qui se dit moderniste et qui veut parler au nom de toutes les femmes du monde. Parce que là aussi, on a un vrai problème avec ce qu'on appelle le féminisme mainstream, qui est un féminisme donc qui se dit occidental, et moi ça me perturbe un peu qu'on appelle le féminisme occidental, parce que j'estime qu'il n'y a pas un féminisme occidental, qu'il y a un féminisme français, belge, etc. C'est pour dire que les contextes et les stratégies vont être très différentes, et donc se décoloniser si on veut et se désaliéner en même temps de cette pensée hégémonique qui croit que l'émancipation n'a été que le produit d'un processus historique unique qui est l'Occident abstrait, et se désaliéner aussi et se décoloniser aussi, qui est pour moi le même terme, de notre propre tradition religieuse et la critiquer aussi et la dénoncer quand elle est discriminatoire. C'était Asma Lamrabet, médecin et écrivaine marocaine. En conclusion de ce sujet, Gabriel de Sarzan, que vous consacriez à ce colloque qui a eu lieu récemment à Lyon, intitulé « Femmes, liberté et droit en islam ». Merci beaucoup Gabriel, et puis bien sûr votre dossier, on peut le réentendre sur rtsreligion.ch.